Collège de France, les cours sont libres, c'est-à-dire que viennent les écouter les gens qui veulent, n'importe qui. De sorte que, finalement, quel est celui qui est examiné? Quel est celui qui est sous le pouvoir de l'autre? Moi, je dirais qu'au Collège de France, c'est celui qui enseigne. Les cours du Collège de France par Meryl Meneghetti. Il me semblait que une chaire au Collège de France avait pour vocation naturelle non seulement d'expérimenter, mais aussi d'écouter la façon d'expérimenter des autres. Vous voici, comme chaque jour de cette semaine, conviés aux cours du Collège de France auxquels s'associe France Culture pour partager nos recherches en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit interdisciplinaire. Les Grecs croyaient-ils à leur Dieu ? Demande sans ironie Vinciane Pirène Delforge, titulaire de la chaire Religion, Histoire et Société dans le monde grec antique. Comment se débarrasser des déterminismes religieux quand on aborde le polythéisme grec et alors que le terme croyant, appliqué aux Grecs, n'a pas le sens moderne que nous lui attribuons ? Comment comprendre le verbe nomizein en contexte religieux, employé par Hérodote et plus tard par Pausanias. Vinciane Pirène Delforge, historienne-anthropologue, spécialiste d'Aphrodite et d'Héra, interroge le polythéisme grec pour sa première série de cours donnée au Collège de France. Dans sa leçon inaugurale, présentée le 7 décembre 2018, elle soulignait, et je la cite, que la religion grecque antique a bien quelque chose d'exotique. Elle est le caillou dans la chaussure de ceux qui continuent de penser le 5e siècle avant notre ère comme l'irréversible point de basculement vers le logos, à savoir l'exercice d'une pensée rationnelle débarrassée du mythe. L'image que le miroir de cette Grèce tend à notre modernité a quelque chose d'irrésistible, mais il est nécessaire de résister. Et plus loin, elle notait qu'une certaine myopie risque de frapper notre regard d'Européens du XXIe siècle dès qu'on arrive en pays polythéiste. Car les dieux sont là. Et cette présence a de nombreuses conséquences dans toute une série de domaines où l'on n'est pas nécessairement préparé à les voir. Plus encore, cette place des dieux ne peut se comprendre qu'en relation étroite avec la vision globale que les Grecs avaient du monde dont ils faisaient partie en ses diverses composantes. Tant les dieux que les hommes participent d'un cosmos où ne se marque pas de coupure ontologique radicale. La frontière qui passe entre les humains et les dieux relève globalement d'une différence de qualité de l'être, d'intensité dans l'être, plutôt que d'une incommensurable altérité. Alors quel est l'arrière-plan partagé par les Grecs dans le registre de la représentation des dieux ? Nous gagnons tout de suite l'amphithéâtre du Collège de France le 15 mars 2018 pour le cours de Vinciane Pirène Delforge, Polythéisme grec, mode d'emploi, aujourd'hui, reconnaître et honorer les dieux. Je veux repartir des cas qui sont livrés par l'enquête d'Hérodote que nous avons vu passer lors des leçons précédentes. Et je reprends ici simplement les passages où apparaît le verbe nomizein. Et donc à chaque fois, je vous ai alerté sur la portée de ce verbe et son rapport au nomos et au nomoi dont je vous parlais par ailleurs. Et donc nous allons entrer davantage dans le détail aujourd'hui. Alors, les acceptions du verbe dans ces différents passages sont distinctes les unes des autres, mais elles sont évidemment étroitement complémentaires. Vous voyez apparaître, dans la première occurrence du verbe, dans le passage du livre 1, chapitre 131, la construction avec une proposition infinitive. On a en 4.59, une proposition infinitive également. Et donc, on a, avec ces différents cas, le sens de considérer que, concevoir que, voir, croire que. La traduction n'est pas fausse. Donc, c'est une première acception du verbe nomizein. On peut aussi avoir, dans une construction avec un infinitif, une construction donc avec un infinitif et non plus une proposition infinitive. Et donc, c'est le sens d'avoir l'habitude de faire quelque chose ou avoir coutume de faire quelque chose. On peut aussi avoir une construction avec un complément d'objet direct. Vous avez ici le passage au livre 2, chapitre 4, le verbe nomizein qui apparaît. Et donc, on peut traduire à ce moment-là « avoir l'usage de quelque chose ». On a le complément direct qui suit. Et donc, comment doit-on comprendre, c'est la question que je pose dans le titre de la leçon d'aujourd'hui, comment comprendre l'expression « nomizein tous teus » ? Vous la trouvez ici, en 4,59, même si le « teus » est sous-entendu dans le passage. Donc j'ai traduit ici « ces dieux-là, tous les sites les reconnaissent, tous ces dieux-là ». Et j'ajoute à ces attestations que nous avons vues chez Hérodote, celles que nous avions vues aussi chez Denis d'Halicarnasse et chez Pausanias, avec ce même emploi de l'expression « nomizein tous teus ». C'est dans le type en fait de traduction que l'on peut donner de cette expression qu'est venue se loger la problématique de la croyance dans le cadre de la religion grecque antique. Et ce sera le point central de mon propos d'aujourd'hui, avec la question suivante, je précise la question que je viens de vous poser. Est-ce que l'expression « nomizein tous teus » peut être traduite en français par « croire au Dieu » ? Puisque je vous ai dit que dans la construction du verbe avec une proposition infinitive ou une proposition subordonnée, le « croire que » n'était pas une mauvaise traduction. Donc on voit qu'il y a cette dimension qui est présente dans l'usage que l'on peut faire de ce verbe. Donc l'expression « nomizein tous teus » peut-elle être traduite en français par « croire au Dieu » ? Et dans le mode d'emploi du polythéisme grec que je vous propose depuis un mois et demi, cette question est loin d'être anodine, car elle engage les éventuels déterminismes culturels dont je vous ai dit que l'étude des religions avait bien du mal à se débarrasser. Donc il y a un véritable enjeu de compréhension d'un système antique quand on convoque la question de la croyance. Mais avant de revenir à l'expression elle-même et à sa traduction, que l'on va affiner évidemment, puisque je vous ai déjà donné des traductions, il me faut d'abord placer cette problématique, donc de la croyance, dans le contexte auquel elle appartient, afin de lui donner l'ampleur historiographique qui est nécessaire pour que vous compreniez les enjeux du débat sur cette question. Alors, lors de la première leçon de cette année, souvenez-vous, nous nous sommes penchés sur le terme même de religion par le biais de l'histoire du mot. J'ai alors insisté sur le fait que l'instauration du christianisme et la récupération par les pères latins du mot latin « religio » avait eu pour effet d'en infléchir le sens. On a parlé de ça longuement lors de la première leçon. Et de cet infléchissement sémantique, nous sommes toujours les héritiers. C'est ce que j'ai essayé de vous montrer. Religio pour les Romains signifiait l'ensemble des pratiques commandées par une attitude scrupuleuse dans la relation avec les dieux. Et quand les premiers chrétiens investissent le mot, il en vient à désigner la relation de piété qui unit le chrétien à son Dieu par l'adhésion à un message forcément vrai, puisqu'il est révélé par Dieu lui-même. Le terme donc religio identifie donc le lien vertical personnel à un Dieu unique dont le message fonde toute autorité. Alors il faut évidemment ajouter dans cette acception chrétienne de religio la médiation de l'Église. Je ne la méconnais pas quand je parle de lien vertical et personnel. Je n'ignore pas pour autant l'instance médiatrice, mais il y a quand même un basculement par rapport à, y compris d'ailleurs avec la médiation de l'Église, un basculement dans le sens même de religio. Et je reviendrai sur ce point tout à l'heure. Et cela transforme, nous l'avons vu, en profondeur, la portée du mot religio, puisque en contexte polythéiste, la religio est avant tout une pratique, même si l'on ne doit pas y réduire l'action religieuse à des processus rituels purement mécaniques. La religio dans l'Antiquité polythéiste est aussi une attitude, une disposition scrupuleuse. Donc, je n'oppose pas de façon radicale, d'un côté, l'adhésion à un message, de l'autre, une praxis, hein, entendez-moi bien, mais il est clair que le pourcentage, la balance de ces différents ingrédients n'est pas la même selon que l'on est en contexte chrétien ou selon qu'on est en contexte polythéiste. La notion de religion dont nous avons hérité après 2 millénaires de christianisme a pleinement intégré la notion de croyance. Entrer en religion est devenu une affaire de croyance en Dieu, je viens de le dire, et d'adhésion à son message. C'est dans ce cadre que l'on trouve aussi la notion de conversion, qui trouve place donc sur cet arrière-plan. Je vous parlais d'arrière-plan historiographique. Donc, quand les sciences humaines, en voie de constitution académique, se sont emparées de l'objet religion, à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, pour faire bref, elles ont associé, je dirais presque très naturellement, les croyances et les pratiques dans la définition même de cet objet d'étude. Toutefois, certains savants ont tout de suite compris la nécessité de nuancer leurs propos. C'est notamment le cas d'Émile Durkheim, dans son ouvrage fondamental sur les formes élémentaires de la vie religieuse, Le système totémique en Australie, donc qui a été publié en 1912, et toute une série de réflexions sur la religion dans le cadre de l'école sociologique française avait déjà été diffusée dans la revue L'année sociologique, fondée à la fin du XIXe siècle. Et donc, Émile Durkheim refusait de considérer que le divin, Dieu, toute notion de Dieu, était un élément constitutif de la définition de la religion. Il préférait la notion de choses sacrées comme élément pivot. L'opposition choses sacrées, choses profanes était l'élément pivot de son étude sur la religion. Il refusait donc de considérer le divin comme élément constitutif, mais en revanche, il y plaçait en bonne place les croyances et les pratiques. Et vous avez sous les yeux la définition qu'il donne de la religion au début de son ouvrage, je la lis avec vous. Une religion est un système solidaire de croyances et de pratiques relatives à des choses sacrées, c'est-à-dire séparées et interdites, croyances et pratiques qui unissent en une même communauté morale, appelée Église, tous ceux qui y adhèrent. Alors, je souligne d'emblée qu'ici, la notion d'Église, telle que Durkheim l'utilise, évidemment, c'est dans l'emploi presque étymologique, puisqu'Église renvoie au grec ecclésia, ça veut dire la communauté de ceux qui adhèrent à un système. Et quelques pages avant celle où se place ce passage que je viens de vous lire, il avait expliqué ce qu'il entendait par croyance et pratique. Et cette explication m'intéresse beaucoup. Il écrivait ceci, « Les phénomènes religieux se rangent tout naturellement en deux catégories fondamentales, les croyances et les rites. Les premières sont des états de l'opinion, elles consistent en représentations. Les secondes sont des modes d'action déterminés. Entre ces deux classes de faits, il y a toute la différence qui sépare la pensée du mouvement. » Donc ici, nous nous situons au début du XXe siècle. Donc vous voyez ici une grande prudence de la part de Durkheim qui prend la peine de définir ce qu'il entend par croyance et rabat la notion sur celle de représentation, qui est évidemment plus large. Nous sommes donc au début du XXe siècle et il faut en fait attendre les années 70 pour que soient publiées des analyses systématiques portant sur les notions de croyance, de croire, donc plus uniquement simplement l'apparition du terme dans une définition de la religion, mais pour que s'enclenche une véritable réflexion sur la pertinence de l'outil. Et donc dans les années 70, on va voir paraître notamment l'ouvrage de Rodney Needham, Belief, Language and Experience, qui est devenu incontestablement le classique en la matière, surtout en anthropologie, puisque l'arrière-plan de la réflexion de Needham se fonde sur les travaux des anthropologues, mais il est devenu le classique en la matière, aussi bien pour les anthropologues qu'en dehors du champ de l'anthropologie. Alors, du côté francophone, Un article de Jean Pouillon dont vous voyez qu'il date de 1979, et cet article de Pouillon s'interrogeait lui aussi sur le caractère en quelque sorte exportable du verbe croire et de tout ce qu'il charrie avec lui en dehors du discours chrétien, et il émettait à l'époque de sérieux doutes à cet égard. Et son article est abondamment cité, avec le livre de Needham, dans toute une série de réflexions et de dossiers parus depuis les années 90 en contexte francophone. Donc on voit que c'est vraiment une problématique qui a pris de l'ampleur et qui est essentiellement partie des terrains anthropologiques. Ce sont les anthropologues qui se sont vraiment les premiers posé la question de la pertinence d'utiliser ces termes, croire, croyance, croyant, pour rendre compte de ce qu'ils observaient sur le terrain. Le scepticisme, finalement, le scepticisme croissant à cet égard, entre évidemment en résonance avec le doute manifesté à une plus large échelle encore, à l'endroit des outils langagiers auxquels on a recours en histoire, en anthropologie des religions, à commencer le terme même de religion. On voit bien qu'il y a un doute qui est porté sur les outils d'analyse que nous utilisons, que ce soit la religion elle-même, que ce soit la notion de magie, la notion de rite, la notion de mythe. Toutes ces notions ont été passées à la moulinette, si vous me passez l'expression, d'une analyse critique sur leur pertinence et sur leur caractère généralisable. Et donc le croire, la croyance, fait partie de ce processus. Alors du côté anglophone, le terme « belief », qui correspond à « croyance », n'a pas manqué de défenseurs. En parallèle, il y avait ce mouvement de critique et puis une défense de l'utilisation de ces concepts. Il y a eu des défenseurs, certains allant même jusqu'à estimer qu'on ne pouvait pas parler de religion ou des religions sans recourir à cette notion de croyance. Et du côté francophone, globalement, les sociologues et les anthropologues restent particulièrement prudents en cette matière. Et donc la question que je pose aujourd'hui est la suivante. Doit-on renoncer à la notion de croyance pour étudier la religion des Grecs ? Alors, du côté des hellénistes, le débat est largement ouvert sur cette notion. Depuis le petit livre incisif de Paul Vane que vous connaissez sûrement, enfin dont vous connaissez sûrement au moins le titre, « Les Grecs ont-ils cru à leur mythe ?» Essai sur l'imagination constituante. Et donc, ce livre de Paul Vane concernait les traditions narratives que nous appelons des mythes. Et c'était la problématique du croire au mythe qui était soulevée par Vane. Mais cette problématique s'est depuis lors étendue à la croyance aux dieux eux-mêmes. Et donc, en 2005, paraissait dans la revue Noumen, la revue de l'Association internationale de l'histoire des religions, un article de Manuela Giordano intitulé As Socrates shows, the Athenians did not believe in gods. Et c'est à cette étude, sur laquelle je vais revenir, de Manuela Giordano, que Hank Fersnel, dans son important ouvrage Coping with the Gods, Wayward Readings in Greek Theology, répondait dans un appendice dont vous voyez ici le titre, qui est extrêmement clair, Did the Greeks believe in their gods? Donc la question est posée. Donc la manière dont la question de la croyance est posée dans ces travaux présente évidemment différents accents, dont il faut être conscient pour bien saisir les enjeux de la discussion. Ainsi, en s'interrogeant sur la question de savoir si les Grecs croyaient à leur mythe, Vane, Paul Vane, engageait avant tout un rapport cognitif à la vérité. Et au final, dans son petit livre, ce sont différents régimes de vérité qu'il mettait au jour. Selon lui, les Grecs croyaient à leur mythe, mais pas toujours de la même manière, en fonction des acteurs, en fonction des contextes, en fonction de l'agenda des uns et des autres dans les productions narratives qui nous sont parvenues. Et c'est ce qu'il qualifiait, avec sa verve absolument inimitable, il qualifiait ces processus et ces différents régimes de vérité, il les fondait en tout cas sur une sorte de balkanisation du cerveau. C'est-à-dire qu'en fonction des contextes où l'on se trouve, en fonction des instances d'autorité aussi auxquelles on a affaire, eh bien on va croire plus ou moins intensément, voire parfois pas du tout, aux mythes, aux traditions narratives en question. par l'affirmation de Manuela Giordano, selon laquelle les Athéniens ne croyaient pas aux dieux, on change évidemment de registre. On est passé d'une réflexion, celle de Paul Vane, sur l'adhésion ou non à des propositions de type cognitif comme « Chronos avale ses enfants, puis les recrache », voilà, un type de proposition cognitive à laquelle on adhère ou pas. « Zeus accousu Dionysos dans sa cuisse après que Sémélée, sa mère, eût été foudroyée », voilà, une autre proposition qui relève de ce que nous appelons les mythes. Et donc on est passé de cette réflexion de Vane sur une adhésion ou non, ou plus ou moins importante, à ce type de proposition, et les récits dans lesquels elles s'enchassent, à une interrogation sur la pertinence de parler de croire au Dieu, de croyance au Dieu, en contexte grec, ce qui n'est quand même pas tout à fait la même chose. Et la réponse de Giordano est tranchée, puisque vous voyez qu'elle répond à la question dans le titre de son article. Pour elle, on ne peut pas parler ainsi de la religion des Athéniens, parce que ce type d'affirmation fourvoie celui qui essaye de comprendre un système où le rituel est de première importance. Et donc elle considérait qu'il fallait évacuer le registre sémantique du croire. Alors, ce dernier article pousse incontestablement le scepticisme un peu loin, et les critiques précisément que Hank Fursnell, dans l'appendice de son livre, donc les critiques qu'il lui a opposées, sont parfaitement justifiées. Hein, il ne disait rien d'autre que ce que je viens de vous dire, ça va un peu trop loin. Alors certes, les Grecs n'ont pas développé de corps de doctrine auquel ils adhéraient, et la question de la vérité des propositions cognitives n'est pas de l'ordre du dogme. Et donc, je dirais, ce constat est largement acquis dans le domaine. Le fait qu'on n'ait pas de dogme, pas de révélation, pas d'écriture sacrée, etc. Mais néanmoins, une fois qu'on a dit ça, on ne peut éviter de se poser la question de savoir quel type de relation mobilise le rapport des Grecs à leur Dieu, à partir du moment où l'on ne se satisfait pas de l'affirmation de Giordano selon laquelle les rituels se suffisent à eux-mêmes. Le Collège de France et France Culture vous présente Vinciane Pirène-Delforge, Polythéisme grec, mode d'emploi, aujourd'hui, reconnaître et honorer les dieux. J'en arrive maintenant au titre de la leçon d'aujourd'hui, le nomizein tous theus. Donc ici vous avez, je l'espère, compris les enjeux de ce débat. Le verbe nomizein connaît différentes constructions qui peuvent en infléchir. Le sens, donc on a vu, considérer que, reconnaître que, croire que, au sens cognitif, ou avoir l'habitude de, avoir coutume de, faire quelque chose, ou avoir l'usage de quelque chose. Et donc, comment comprendre l'expression nomizein tous theus que nous avons vu chez Hérodote, que nous avons vu chez Denis d'Halicarnasse et Pausanias, mais qui se trouve aussi, et c'est ce qui a motivé l'article de Giordano, qui se trouve aussi dans un texte extrêmement célèbre, qui a fait couler des litres d'encre, qui est celui de Xénophon, évoquant l'accusation qui a été portée contre Socrate au tout début du IVe siècle avant notre ère, dans le cadre du procès qu'il a dû affronter de la part des Athéniens et qui a abouti, vous le savez, à son suicide. Et donc, nous lisons le texte ensemble pour vous montrer comment s'articule donc cet usage de nomizein. Donc, nous sommes tout au début des Mémorables de Xénophon, livre 1, paragraphe 1 et 2. « Je me suis souvent demandé, dit Xénophon d'entrée de jeu, donc je me suis souvent demandé avec étonnement quels pouvaient bien être les arguments qui avaient permis aux accusateurs de Socrate de convaincre les Athéniens qu'ils méritaient de la part de la cité la peine de mort. » Et voilà le texte tel que vous l'avez sous les yeux. « L'accusation portée contre lui était formulée en ces termes. Socrate est coupable de ne pas reconnaître les dieux reconnus par la cité. » Et vous reconnaissez ici donc le « nomizein theus ». Donc Socrate est coupable de ne pas reconnaître les dieux reconnus par la cité et d'introduire d'autres divinités nouvelles. Il est aussi coupable de corrompre les jeunes gens. Donc ça, c'était l'acte d'accusation. Et nous dit Xénophon, premièrement, pour ce qui est du fait qu'il ne reconnaissait pas les dieux reconnus par la cité, donc il reprend le libellé de l'acte d'accusation, en tout cas une partie, de quelles preuves disposait-il donc ? Car on le voyait souvent faire des sacrifices à la maison, de même que sur les autels publics de la cité, et ce n'était pas non plus un secret qu'il avait recours à la divination. Et donc on voit bien qu'ici, Xénophon commence sa défense de Socrate en évoquant les rituels qu'il accomplissait. Ce qui, évidemment, a donné du grain à moudre au point de vue de Manuela Giordano, disant, regardez, quand Xénophon le défend sur le nomi zein tous teus, il parle de rituels, il ne parle de rien d'autre. Et donc, dans les différents textes que je vous ai soumis, vous le voyez ici, et je pourrais vous remontrer aussi la dia avec les textes d'Hérodote, c'est la traduction « Reconnaître les dieux » qui me permet de rendre compte du « nomi zein tous teus ». Mais il faut évidemment affiner la compréhension du verbe et de ses emplois afin de circonscrire avec plus de précision encore la disposition d'esprit et l'attitude que l'expression induit. Car le fait même qu'un certain nombre d'emplois du verbe nomi zein puisse relever, on l'a vu, d'une part, de l'adhésion à des propositions formelles, du type « je crois que », mais d'autre part, peut aussi rendre compte d'une pratique usuelle, avoir l'usage de, avoir coutume de. Le constat de ces deux aspects impose de considérer, au moins à titre d'hypothèse, que l'expression nomi zein tous teus relève des deux registres. Celui de l'adhésion à des propositions et celui de l'action coutumière. Le verbe dit les deux. Potentiellement, il dit les deux. Et cette hypothèse trouve à s'éprouver à la lumière des passages d'Hérodote. Au livre 1, chapitre 131, comme nous l'avons vu, deux acceptions du verbe se succèdent immédiatement. Les Perses ne considèrent pas, on peut dire ne croient pas que, les dieux soient de même complexion que les hommes. Adhésion à une proposition formelle. Et leur usage rituel, deuxième emploi de nomi zein ici, leur usage rituel est d'honorer Zeus sous la voûte du ciel en pleine nature au sommet des montagnes. Le verbe nomi zein, dans ces deux usages ici, permet donc de circonscrire une représentation et une action. En 4,59, la première occurrence relève là encore d'une forme de représentation. Il considère que Gaie est l'épouse de Zeus, à laquelle donc Hérodote dit qu'ils adhèrent. Et la deuxième occurrence nous offre la construction nomi zein tous teus, je vous l'ai rappelé tout à l'heure, même si le teus est sous-entendu. Tous les sites reconnaissent ces dieux-là. En 2,4, puisqu'il s'agit de surnoms empruntés par les Grecs aux Égyptiens, c'est l'usage qui prime dans le sens du nomi zein. Ils ont usage de ces surnoms. Alors, afin d'étoffer encore notre réflexion à ce sujet et de nous donner les moyens de comprendre le registre sémantique et la richesse sémantique, surtout, du verbe, je vous propose de nous aventurer maintenant dans l'œuvre de Pausanias. Et si je vais vous emmener dans un instant, dans une petite excursion dans la périégèse de Pausanias, il y a trois raisons principales à ce choix. La première raison est l'intérêt de l'auteur lui-même pour les vestiges de la vie religieuse du passé, mais aussi pour l'actualité des rites de son époque. Deuxième raison, c'est l'abondance du matériau qu'il nous livre. Un peu comme je vous avais dit pour Hérodote, quand j'ai justifié le fait que je me fondais sur Hérodote pour tester mes différentes hypothèses, c'est évidemment un matériau qui est suffisamment ample pour permettre de fonder une démonstration. Quand vous avez trois vers et deux fragments chez un auteur, il est clair que vous ne pouvez pas fonder une démonstration. Avec des auteurs comme Hérodote ou comme Pausanias, l'ampleur de ce qu'on a conservé permet d'être un peu plus à l'aise par rapport aux interrogations qu'on peut poser à leurs écrits. La troisième raison, c'est une véritable émulation qui se joue entre la démarche de Pausanias au IIe siècle de notre ère et l'œuvre d'Hérodote, 7 siècles plus tôt. L'enquête d'Hérodote est un modèle auquel va se frotter régulièrement la périégèse de Pausanias. Et donc ce lien qui se fait, même s'il y a 7 siècles entre les deux, atteste que l'on peut espérer retrouver des lignes de force qui ont traversé les siècles dans l'usage de certaines expressions que l'on trouve de part et d'autre. Alors, je vous donne un premier exemple. Pausanias est donc à Athènes, nous sommes au livre 1, or chaque livre couvre une région, sauf le 5e et le 6e qui sont centré sur Olympie et sa région, mais là le matériau est tellement ample qu'il couvre deux livres, sinon on a un livre par région visitée, et le livre 1, c'est Athènes et l'Attique. Et donc, Pausanias est à Athènes, il est sur l'Agora, et il va décrire un portique peint, et ce portique peint est censé remonter à la période classique, et il affiche les hauts faits de l'histoire de la cité. Vous avez des représentations figurées des grands moments de la cité d'Athènes. Et parmi ces hauts faits se trouve évidemment la célébrissime bataille de Marathon, à laquelle Héraclès, nous dit Pausanias, est associé. Donc on voit Pausanias au livre 1, chapitre 15, paragraphe 3, décrit donc la représentation de la bataille, et il dit à ses lecteurs, Héraclès est associé à ce moment important de l'histoire de la cité. Mais ça ne va pas de soi, cette affaire. Pourquoi Héraclès, dans les traditions classiques, Héraclès n'est pas associé à la bataille? Et donc, il va prendre la peine d'expliquer à son lecteur pourquoi Héraclès figure dans cette représentation. Et il dit, je lis avec vous, « Parce que, selon leur propre dire, Héraclès fut reconnu comme Dieu par les marathoniens les premiers. » Et donc, vous allez retrouver ici le verbe « nomizein ».« Nomizein », « théos ». Donc, « Héraclès » et « nomiste théos protois ». Donc, « Héraclès » a été reconnu Dieu par eux les premiers. Et de fait, au moment où il visite l'œdème de Marathon, donc là, il n'est plus dans le cœur même d'Athènes sur l'agora avec la stoa peinte, il est dans l'œdème de Marathon et il répète cette affirmation. Les gens de Marathon vénèrent Héraclès, disant qu'il fut reconnu comme Dieu par eux les premiers parmi les Grecs. Deuxième exemple. Le cas d'Amphiaraos. Alors Amphiaraos, c'est un devin mythique qui aurait été englouti dans la terre par les dieux dans le cadre de la bataille mythique des Thébains contre les Argiens. Son statut divin relève en fait d'une même revendication de la part des gens d'Oropos. À Oropos, on se situe à la frontière entre l'Attique et la Béotie. Et donc de la même manière que les marathoniens revendique d'avoir été les premiers à reconnaître Héraclès comme un dieu, c'est chez les gens d'Oropos, nous dit Pausanias, c'est chez les gens d'Oropos les premiers qu'il fut établi de reconnaître Amphiaraos comme dieu, ensuite tous les Grecs ont suivi. Donc, tant Héraclès qu'Amphiaraos ont subi un changement de statut, et c'est la reconnaissance du statut divin que désigne l'expression Theon nomizein ou Theos nomizostai hein, au passif, d'où la traduction par reconnaître. On voit que là, ça fonctionne bien. Alors évidemment, on pourrait m'opposer qu'il s'agit là de héros qui sont devenus des dieux et que le cas pourrait être de ce fait particulier. C'est une reconnaissance de statut. Mais en fait, le processus est identique quand il s'agit de dieux dont le statut divin ne pose absolument aucunement question. Et dans la périégèse, toujours, le cas de la déesse qu'on appelle en grec Eileithuia et qu'on francise en général en disant Ilithyia, donc divinité protectrice surtout de l'accouchement, hein, du moment précis de l'accouchement et puis éventuellement des jours qui suivent pour l'enfant et la mère. Et donc, cette déesse Ilithyia, Pausanias en parle. Au livre 1, chapitre 18, paragraphe 5, Pausanias décrit un temple d'Ilithyia, donc il dit tout près, de l'endroit où il vient de passer. On a élevé un temple d'Ilithyia qui était venu du pays des Hyperboréens à Délos pour assister Leto, donc la déesse Leto, la mère d'Artémis et d'Apollon, dans ses douleurs, donc douleurs de l'enfantement. On a ici donc le champ d'intervention de la déesse tout à fait classique. On dit que ces deux, que les autres, c'est-à-dire les autres Grecs, apprirent le nom d'Ilithyia. Et vous retrouvez ici quelque chose qui nous est maintenant familier depuis les semaines où je vous parle de ce point à propos d'Hérodote. Donc, to onoma, ces deux, que les autres apprirent le nom d'Ilithyia, Les Déliens font des sacrifices à Iliti et chantent un hymne composé par Olène. Olène, c'est un poète mythique venu de Lycie, donc de l'autre côté de la mer Égée, dont Pausanias a, semble-t-il, encore eu la possibilité de consulter des hymnes qui lui étaient attribués. Malheureusement, cette possibilité nous est refusée à nous parce qu'on n'a rien conservé comme texte attribué à Olène. Enfin, soit. Donc, il chante un hymne composé par Olène, donc quelque chose de très ancien. Les Crétois, nous ajoute Pausanias, croient qu'Iliti est née à Amnissos dans la région de Knossos et qu'elle est fille d'Héra. Et vous voyez qu'ici, j'ai traduit sans le moindre remords nomizu si, hein, puisqu'on a de nouveau ce verbe-là, par croire que. Hein, ils adhèrent à l'idée que, ils conçoivent que. Et puis, il revient à Athènes, notre Pausanias. Il n'y a qu'à Athènes que les représentations anciennes d'Iliti sont voilées jusqu'à la pointe des pieds. Voilà le genre de notice qui est extrêmement typique, hein, de la manière de faire de Pausanias par rapport aux données religieuses dont il a conservé le souvenir. Mais ce qui m'intéresse surtout ici, c'est évidemment le lien que l'on peut opérer entre la notice de Pausanias et certains textes d'Hérodote que nous avons vus ensemble. Singulièrement ceux qui concernent les onomata des dieux, les dénominations, le fait de dénommer les dieux dont les Égyptiens ont inspiré l'emploi au pélage, puis les pélages aux Grecs, si l'on en croit Hérodote. Alors, dans le cas présent, j'ai conservé la traduction par nom, qui est quand même celle qui est la plus commune pour onoma, dans la mesure où elle est moins gênante dans ce texte-ci, puisque Pausanias s'en tient au monde grec. Tous les protagonistes des liens ou autres, de l'opération et du processus qui consiste à reconnaître Iliti et puis de l'apprendre aux autres, tout ce processus se fait avec des locuteurs grecs. Mais Pausanias est un trop bon lecteur d'Hérodote, je vous l'ai dit d'emblée, pour que nous en restions là. Ce qu'il évoque ici, comme processus d'intégration de la déesse Iliti dans le panthéon des Grecs, est, si vous me permettez l'expression, de l'Hérodote pur jus. Il y a d'abord l'identification d'un profil divin par un groupe humain. Ensuite, diffusion du profil par apprentissage, à partir de cette source. Et enfin, la créativité des uns et des autres fait son œuvre. Ce sont les nomoi et les nomaya particuliers des groupes humains qui sont en cause. Et donc, à Délos, on a des sacrifices et un hymne d'Olène chanté par ceux qui sacrifient. Les Crétois, eux, vont capter l'histoire de la naissance de la déesse chez eux, et les Athéniens vont voiler intégralement ces statues. Là, nous sommes dans le registre des nomoi. En l'occurrence, l'identification du profil divin est liée, dans la tradition délienne que rapporte Pausanias, à l'épiphanie de la déesse, lors de l'accouchement de la déesse Leto. Et effectivement, si vous lisez l'hymne pseudo-homérique à Apollon, qui raconte la naissance, en tout cas dans sa version délienne, qui raconte la naissance d'Apollon, on y décrit la venue de la déesse Iliti depuis l'Olympe, où Héra l'avait d'abord laissée dans l'ignorance de l'accouchement de Leto. Alors l'hymne pseudo-homérique à Apollon, qui remonte, lui, à la période archaïque, ne fait pas référence à l'hyperborée, donc le Grand Nord. Hein, c'est ça que ça veut dire. Contrairement à Pausanias, qui se fonde sur cette tradition où Iliti est venu du Grand Nord. Mais en cela, Pausanias est décidément un très bon lecteur d'Hérodote. Parce que, évidemment, c'est un texte que je ne vous ai pas montré, mais dans l'enquête d'Hérodote, quand il parle à un moment donné de Délos et de certaines offrandes qui sont faites à Apollon, il parle de l'hyperborée, les offrandes viennent de l'hyperborée, du Grand Nord, et il évoque le fait qu'Iliti est venu de cet endroit au moment de la parturition de Leto. Alors, l'onoma, dans ce cadre-ci, l'onoma du livre 1 que j'évoque devant vous, est donc très hérodotéen. Mais un autre passage de Pausanias sur le culte d'Iliti nous permettra d'aller plus loin et de retrouver le nomizein tous theous, parce que vous voyez qu'ici, on n'a pas l'expression. Je veux simplement ici attirer votre attention sur le processus extrêmement similaire que l'on trouve de part et d'autre, dans l'identification de l'introduction d'un dieu dans le panthéon des Grecs. Alors, l'autre passage de Pausanias, il provient du livre 3, et cette fois-ci, au livre 3, nous sommes en Laconie, à Sparte, et Pausanias visite un sanctuaire de la déesse Iliti. il y a un sanctuaire d'Ilithi. On raconte, nous dit Pausanias, qu'il a été construit et qu'Ilithi a été reconnue comme divinité à la suite d'un oracle émis depuis Delphes. Donc voilà la traduction du texte. Et vous retrouvez une expression extrêmement proche de ce que nous avons vu à propos d'Héraclès et d'Amphiaraos, Eileithuian nomisai theon. Donc on voit qu'on est dans la même construction de phrase. Si l'on met ces deux notices en regard l'une de l'autre, l'identification du profil d'Ilithi, du profil divin, revient au Délien et c'est de Délos qu'il s'est diffusé. Délos est à Ilithi ce que chez Hérodote, l'Égypte est à différents dieux grecs et la Libye à Poséidon. Nous avons vu tout cela. Quant au culte spartiate de la déesse, son instauration passe par le biais de l'oracle de Delphes. De la même manière que l'oracle de Dodone, souvenez-vous, avait permis aux Pélages de recourir aux dénominations égyptiennes pour identifier leurs dieux, les Spartiates s'en sont remis à l'oracle du Parnasse, qui leur a donné le feu vert pour accueillir Ilithi parmi leurs divinités. Donc, l'oracle de Delphes donne le feu vert pour accueillir Ilithi parmi les divinités. Alors, ce n'est évidemment pas le pédigré historique du culte d'Ilithi, au sens où moi, moderne, chercheuse du XXIe siècle, je considérerais que la figure d'Ilithi est originaire de Délos. En fait, fondamentalement, ce pédigré nous échappe. Pas plus, je le répète, que, au risque de vous lasser, je n'adhère à l'origine égyptienne des dieux grecs tels que Hérodote la met en scène. Mais la manière dont Hérodote et Pausanias, après lui, rendre compte de ces processus de constitution des panthéons est éclairant sur la représentation qu'ils donnent de leur dieu. Et que constate-t-on dans ce dossier que je viens de vous soumettre? La dénomination d'un dieu, tant chez Hérodote que chez Pausanias, à 7 siècles de distance, est le cœur de l'identification du profil divin qui va se diffuser ensuite, avec ou sans l'injonction d'un oracle. Mais nous ne sommes pas dans le simple monde des idées, un monde qui resterait purement abstrait, voire spirituel. Que ce soit à Délos, où Pausanias parle d'un sacrifice et d'un hymne ancestral, ou à Sparte, où il associe étroitement le fait de nomizein, la divinité, hein, de la nomizein comme déesse, et la construction d'un sanctuaire, ce qui est quand même extrêmement concret. Donc, tant pour Délos que pour Sparte, la reconnaissance du profil divin est étroitement associée à l'établissement des honneurs qui sont dus à la figure divine. Et le chant des poètes fait partie de ces honneurs, hein, l'hymne d'Olène fait partie de ces honneurs, comme les sacrifices ou la construction d'un temple. Et si je reviens dès lors à ma question de tout à l'heure, celle de la traduction, la première question que j'ai posée, la traduction du nomizein tous teus, je pense que nous sommes désormais mieux armés pour l'affronter. Quand nomizein est suivi d'un théonyme à l'accusatif et puis du substantif théos, le dieu désigné par le nom propre est reconnu et honoré. On a les deux dimensions, comme un dieu. Le verbe nomizein mêle en fait étroitement dans ce cas ces deux registres. Celui de la représentation, c'est l'unoma d'Hérodote, auquel les poètes ont ajouté d'autres éléments d'identification, et celle des cultes, et celui, pardon, le registre des cultes. Donc reconnaître et honorer un dieu, c'est l'inscrire officiellement dans les nomoi du groupe qui l'accueille. C'est tout cela que signifie le verbe et qui explique la difficulté de trouver un juste correspondant en français. On voit bien que nos champs sémantiques en cette matière ne recouvrent pas ceux des Grecs. Donc on est obligé de bricoler, et voilà mon bricolage. C'est-à-dire que quand je trouve nomizein dans un texte, eh bien, même si ce n'est pas très élégant et que certains traducteurs ne seraient peut-être pas d'accord, j'utilise deux verbes et non un. Alors jusqu'à présent, je n'avais mis que reconnu, parce que vous n'aviez pas encore la démonstration et l'argumentation qui justifiait que j'utilise deux verbes pour en traduire un. Mais en tout cas, maintenant que vous savez pourquoi je le fais, je vous soumets donc la traduction augmentée des passages que nous avons vus ensemble. Selon les marathoniens, donc, ils ont été les premiers à reconnaître et honorer Héraclès comme un dieu. Et même chose pour Ilithi, ils ont reconnu et honoré Ilithi en tant que déesse. Mais là, évidemment, nous ne sommes pas encore tout à fait au clair avec la question, puisque ici, ce sont chaque fois des entités singulières, un héros ou une déesse, dont on reconnaît le statut. Alors, qu'est-ce que c'est quand on a un pluriel? Le nomizein tous theous. Quand nomizein est suivi du seul objet direct tous theous, nous sommes en fait face à la même configuration. Et je reprends l'acte d'accusation de Socrate, et vous voyez que j'ai là aussi augmenté la traduction. De quoi est accusé Socrate, si je reprends le nomizein tous theous? Il est coupable de ne pas reconnaître et honorer les dieux reconnus et honorés par la cité. Donc il faut convoquer ces deux registres. Nomizein tous theous, dès lors, c'est reconnaître et honorer les dieux en s'inscrivant dans une tradition. C'est identifier le profil de chacun, leur onoma, et ce qui l'accompagne, et lui conférer les hommages adéquats en fonction des nomoi du groupe. Il y a donc à la fois un processus cognitif derrière le verbe, mais aussi une démarche concrète. Et je pourrais vous faire, si j'en avais le temps, exactement la même démonstration du côté romain. C'est le même type de processus que l'on trouve, alors évidemment avec un autre vocabulaire, derrière la manière dont les Romains concevaient l'arrivée des dieux dans leur panthéon. J'en arrive dès lors à la question centrale de mon propos d'aujourd'hui. Maintenant qu'on a adopté cette double traduction, cette traduction par deux verbes de nomizein tous theous, j'en arrive à ma question centrale. Est-il pertinent de conserver la catégorie du croire pour parler de religion grecque? La réponse, mais qui n'en est pas une, c'est pour ça que je vais continuer encore un peu, la réponse est oui et non. Car tout dépend ce que nous mettons derrière le verbe croire. Et pour vous donner donc une autre réponse que le oui et non, dont je viens de vous dire que j'étais bien consciente que ce n'en était pas une, permettez-moi de revenir un instant au débat qu'a agité cette question parmi les anthropologues. Parce qu'en fait, c'est grâce aux anthropologues qu'on a été vraiment, en tant qu'historien, amené à s'interroger sur la pertinence. Que ce soit Nedam ou Bouillon, ce sont des anthropologues. Et je vais vous soumettre en fait le travail d'une autre anthropologue qui s'appelle Roberta Maillon, qui est une éminente spécialiste du chamanisme sibérien, vous la connaissez peut-être, elle a enseigné à l'École pratique des hautes études pendant des années. Et Roberta Maillon, dans cet article qui s'appelle « L'anthropologie et la dualité paradoxale du croire occidental », paru dans la revue du MOS en 2006, dans cet article, elle a souligné avec beaucoup de finesse que l'une des difficultés de cette notion était l'usage que nous en faisons, nous modernes, en désignant de la sorte à la fois ce que l'on croit et le fait même de croire. Dans l'usage en fait que nous avons du verbe et des substantifs associés, hein, croire, la croyance, le croyant, la croyance est tout ensemble un contenu et l'adhésion à ce contenu. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on parle de croyant in abstracto. Donc je lis avec vous ce que Roberta Maillon écrit à ce sujet. Bon, l'article est évidemment long et je ne reprends ici que trois lignes. Nous parlons aussi bien des croyances pour évoquer des conceptions religieuses, et l'emploi du pluriel est alors significatif, que de la croyance comme attitude mentale, psychique ou affective du sujet croyant. Et c'est cette dualité qui est source de paradoxe. Je pense que ce constat est très juste. Comme l'affirme à juste titre donc, l'auteur de cette étude, beaucoup de cultures n'établissent pas un lien nécessaire entre ce que l'on croit, un contenu, et le fait de croire, l'adhésion à ce contenu. L'objet de la croyance, dans de nombreuses cultures, n'est pas exclusif, il n'est pas circonscrit et définitif. Il est négociable, dans une attitude d'adhésion fluide où l'objet de la croyance peut être flexible, pluriel. Or, dans le cadre de ce qui est une forme de négociation avec des entités non humaines, dans son étude du chamanisme sibérien, puis des Mongols aussi, elle a beaucoup travaillé sur les Mongols, Robert Amaillon le montre bien, on a affaire à une négociation avec des entités non humaines. Dans le cas des Pélages et des Grecs dont je vous ai parlé, tels que Hérodote les met en scène, c'est ça aussi. Les Déliens, c'est ça aussi. La reconnaissance d'Iliti, c'est entrer en négociation, on fait des sacrifices. On chante des hymnes. Et dans ce cadre-là, les actes rituels sont essentiels, évidemment. Il ne me viendrait pas du tout à l'idée de le nier, car ils sont autant de mises à l'épreuve de l'objet de croyance qui n'est pas imposé. Et cette mise à l'épreuve, elle est inscrite dans une tradition, dans des nomoi. Et c'est ce que Robert Amaillon appelle la dynamique spéculative. La dynamique spéculative qui est inhérente aux cultures où sont dissociées l'attitude croyante et l'objet de la croyance. Et ce constat m'intéresse au plus haut point parce qu'il rapproche les Grecs, dont je vous parle depuis le début du mois de février, et ce que Robert Amaillon identifie dans les cultures de la Mongolie et de la Sibérie. C'est ce que j'ai déjà évoqué d'un autre point de vue pour les cultures grecques et romaines en regard du christianisme. En insistant lors de la première leçon sur l'attribution de l'adjectif vera, enfin verus au féminin, vera, pour qualifier la religio, quand les chrétiens prennent le terme dans le stock du vocabulaire latin, ils affectent le terme religio de l'adjectif verus, sous la forme vera, et ils affectent aussi le nom même de Dieu de cet adjectif verus. Souvenez-vous du passage de Tertullien, la vraie religion du vrai Dieu. Ça, c'est pas du tout romain. Sur cet arrière-plan, le fait de croire et l'objet de la croyance deviennent évidemment indissociables l'un de l'autre. Il existe un lien nécessaire et suffisant entre les deux, un lien qui va se fonder sur une vérité révélée et donc a priori indiscutable. Et la preuve ultime de cette vérité est renvoyée dans la temporalité d'un au-delà inconnaissable. L'au-delà à la fois individuel ou le jugement dernier ou que sais-je. Alors, les spécialistes du christianisme médiéval ont certes montré que, à l'époque médiévale, et puis je pense qu'on pourrait étendre cette démonstration, il existait une conception souple de la croyance, même en contexte chrétien, avec un réajustement perpétuel de la distinction entre le vrai et le faux. Et je vous renvoie à cet égard à un article de Jean-Claude Schmitt, « La croyance au Moyen-Âge ». Et donc, Schmitt notamment, mais il n'est pas le seul, a bien montré que la croyance n'était jamais monolithique dans le contexte du christianisme, et que finalement, l'existence de 4 évangiles est déjà en soi un indice de l'ouverture vers la pratique du commentaire et de l'interrogation. Mais il existe une institution forte, je vous ai dit que je reviendrai sur cette question de la médiation de l'Église en contexte chrétien, il existe une institution forte, donc l'Église, qui s'inscrit en médiatrice entre les hommes, les croyants, et les objets de croyance. Et il y a un lien nécessaire entre les deux, je veux dire entre les croyants et l'objet de croyance. C'est ça que Robert Amaillon décelait comme source d'ambiguïté. Mais si je suis Schmitt, et je le fais bien volontiers, vérité et fausseté ne sont pas toujours données a priori, la vérité et l'erreur. Il n'empêche que la dichotomie même du vrai et du faux est bel et bien posée, activée, et qu'elle est totalement étrangère aux cultures dont je vous parle, en tout cas en contexte religieux. Il n'y a pas de croyance dans ce sens-là en Grèce ancienne. Il y a des représentations, au sens de Durkheim explicitant, vous vous en souviendrez, on l'a vu tout à l'heure, son emploi du mot de croyance, et ces représentations sont autant de manières d'identifier et de reconnaître les dieux que l'on honore et leurs manifestations. Donc, croire à un dieu, croire à des dieux, croire en Dieu, ce sont autant de propositions qui sont décidément bien difficiles et délicates à appliquer comme telles, sans précaution, au monde que nous explorons ensemble depuis quelques semaines. Et si je reprends la notion de dynamique spéculative forgée par Robert Amaillon, je pense que toute la spécificité et la richesse du nomizein tous theous se fait jour. Les Grecs croyaient évidemment que les dieux étaient là Certains, en tout cas, peut-être pas tous, pas tous au même moment. Là, je rejoins ce que Vane disait. Les Grecs croyaient que les dieux étaient là, globalement, et qu'ils étaient partie prenante de la vie des hommes. Ils faisaient communauté avec les hommes. Les Grecs croyaient qu'il était bénéfique de les honorer et de chercher le bon interlocuteur dans telle ou telle situation. Il s'agit de croire que, c'est-à-dire la dimension cognitive du croire, qui se rapproche du registre du savoir, tout en laissant la porte ouverte au doute. Quand vous croyez que quelque chose va arriver, le fait même de dire « je crois que », ça veut dire que vous avez un doute, fondamentalement. Réfléchissez-y. Sinon, vous diriez « je sais ». Donc, le croire recèle cette dimension de doute. Et le doute enclenche la dynamique spéculative qui passe à la fois par des représentations multiples et qui peuvent nous paraître contradictoires à nous, et des rituels qui servent de pierre de touche à la relation avec le monde suprahumain. Donc les rituels sont autant d'expérimentations de la validité et de l'efficacité de la relation. Et en fait, c'est tout cela que l'on trouve, en même temps, d'où notre difficulté de trouver un mot pour rassembler tout ça en français, c'est tout cela que charrie avec elle l'expression « nomizein tous teus », « reconnaître et honorer les dieux ». Et la traduction, en fait, par « croire aux dieux » en aplatit considérablement le sens, tout en ouvrant la porte à de lourdes erreurs de perspective, en raison du lien que nous, modernes, opérons dans nos cultures christianisées, entre le fait de croire et l'objet de croyance. Dès lors, j'en arrive à ma conclusion, dès lors, contrairement au terme de religion dont je vous ai d'emblée proposé de le garder, il me semble que l'on n'a aucun intérêt à conserver dans toute son ampleur sémantique le registre du croire en, du croire à, ou pire encore, le terme de croyant pour définir la démarche des Grecs ou des Romains dans leur relation avec la sphère suprahumaine. Mais que ce soit bien clair, je n'en ramène pas pour autant ces religions à un ritualisme froid et mécanique auquel on les a parfois réduites, en leur déniant toute démarche de foi au sens de la confiance envers un interlocuteur suprahumain. Si vous voulez, de ce point de vue, les Grecs pouvaient avoir foi dans le dieu qu'ils honoraient, c'est-à-dire qu'ils lui faisaient confiance, même s'ils n'étaient pas sûrs, totalement sûrs, que leur démarche allait aboutir. Mais le problème, c'est que si vous dites « les Grecs avaient la foi », vous vous méprenez totalement sur le cadre dans lequel s'inscrit cette pratique religieuse, parce que avoir la foi, ça implique une relation nécessaire entre le fait de croire et ce que l'on croit. Et c'est cela qu'il faut dissocier. Au contraire, donc, en étant plus attentive à ce problème, c'est la richesse d'une relation différente au divin que je souhaite mettre en évidence, comme la lecture des textes d'Hérodote et de Pausanias vous l'a montré. Donc, nomizein tous teus signifie à la fois reconnaître les dieux, c'est-à-dire les identifier, les nommer, se les représenter, sous des espèces diverses, et le fait de leur rendre les hommages qui leur sont dus. Les deux registres sont indissociables, mais cela ne fait pas pour autant des Grecs des croyants. C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter le 15 mars 2018 Vinciane Pirène-Delforge, Polythéisme grec, mode d'emploi, aujourd'hui, reconnaître et honorer les dieux. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens, les vidéos et les informations autour de cette diffusion, ainsi que l'ensemble des cours de Vinciane Pirène-Delforge. Sa leçon inaugurale, le polythéisme grec comme objet d'histoire, vient d'être publiée chez Fayard. Iconographie web, Claire Poinsignon. Réalisation, Laure-Hélène Planchet. Présentation, Meryl Moneghetti. Demain, nous poursuivrons en compagnie de Vinciane Pirène-Delforge sa grande enquête sur le polythéisme grec. Il sera question des normes sacrificielles. Et dans quelques instants, nous retrouvons les petits matins. Belle journée à l'écoute de France Culture. Yeah.